Je pourrais se réinstaller pour se restaurer. pardon, mais décompte-moi, dis-moi où il y a de l'ombre, dis-moi même dans le froid, dis-moi comme je ne vois pas être. Je suis l'erreur.